prenons on. Example sentences at the bottom. Tu viens de la cafétéria? Oui, j'en viens. Tu arrives des maritimes? Oui, j'en arrive justement.